Lettre 21e. Histoire du vicomte de B, ses opinions, état de la France, doctrine de l'utilité. J'ai eu ce matin une singulière conversation avec un vieux gentilhomme que j'avais pris jusqu'alors pour un vrai légitimiste, mais qui se trouve, comme vous verrez, être tout autre chose. Je ne saurais pas dire au juste ce qu'il est. Je pense qu'il faut l'appeler un doctrinaire. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait cela non plus. Mais avant de vous parler de ses opinions, il faut que je vous fasse connaître sa personne. Monsieur le vicomte de B est un homme que vous seriez, j'en suis sûr, charmé de connaître. Il ne demeure pas à Paris, mais dans un château, qu'il dit situé dans la plus profonde retraite imaginable. Il n'est pourtant qu'à 8 lieues de la capitale. Monsieur de B est veuf et sa fille unique est mariée depuis quelques années. Son histoire, qu'il nous a pris lui-même, était du plus grand intérêt. Il nous la raconta avec beaucoup de sensibilité, avec assez d'esprit et avec un peu, mais très peu, de vanité. Si pourtant j'essayais de vous la répéter dans les mêmes termes, elle deviendrait longue et ennuyeuse et ne ressemblerait en rien à ce qu'elle était en sortant de la source vive d'où elle découla. Je vous dirai donc en peu de mots qu'il était cadet d'une ancienne et noble maison et fut pendant 7 ans page de Louis XVI. Sa beauté devait être frappante, et tout jeune qu'il était à l'époque de la première révolution, il paraît qu'il trouvait déjà la cour un séjour fort agréable. Il y avait 2 ans qu'il était entré au service quand son père et son seul frère, plus âgés que lui de 10 ans, furent obligés de quitter la France pour sauver leur vie. Sa famille n'était pas opulente et de grands sacrifices devinrent nécessaires pour les mettre en état de subsister en Angleterre. Les débris de leur fortune échurent à notre ami, son père et son frère étant morts dans l'exil. Il fit un mariage assez imprudent, et ayant perdu sa femme et marié sa fille, il habite maintenant son vaste château tombant en ruine, avec une seule servante et un vieux domestique qui lui tient lieu à la fois de maître d'hôtel, de valet de chambre et de cuisinier. Ce vieillard a servi avec lui en Vendée, et d'après la description qu'il nous en a faite, ce doit être un vrai caporal Trim. Je désirerais bien pouvoir accepter l'invitation qu'il m'a faite d'aller le voir à son château. Je pense que j'y verrai exactement un de ces ménages que Scott décrit si bien dans la préface de Quentin d'Orbach. Mais il n'y faut malheureusement pas penser. Cette excursion est tout à fait impossible et je dois renoncer au château, me contentant des longues visites que l'aimable propriétaire veut bien me faire assez souvent le matin. Je l'ai vu fréquemment et j'écoutais avec le plus grand intérêt son histoire. Mais ce n'est que ce matin que notre conversation a pris un tour spéculatif. Ainsi que je vous l'ai dit, j'étais convaincu non pas par ses discours, mais par une idée que je m'étais faite d'avance, que M. de B était un légitimiste zélé. Un vieux gentilhomme, page de Louis XVI, qui a servi en Vendée. Cela pouvait-il être autrement? Pourtant il me parla comme « Mais vous allez entendre ». Notre conversation commença par la question qu'il me fit si je trouvais beaucoup de choses changées à Paris depuis la dernière fois que j'y étais venu. Je répondis que j'en avais remarqué quelques-unes et que j'en soupçonnais beaucoup d'autres qui ne m'avaient pas encore frappé. « Je n'en doute pas, répondit-il, vos compatriotes y sont assez portés. Mais prenez conseil de moi. Ne croyez que ce que vous verrez et rien de plus. Mais ce que l'on peut voir dans l'espace d'un ou 2 mois est si peu de choses. Et j'entends au contraire tant dire. Cela est vrai, mais n'avez-vous pas remarqué que ce qu'une personne vous dit est souvent contredit par une autre ? Certainement, répondis-je. Ne faut-il donc pas, en définitive, que vous jugiez d'après ce que vous voyez ? Il me semble au contraire que ce que je puis faire de mieux est d'écouter tout le monde, de peser les avis dans la balance et de me décider pour celui qui me paraîtra avoir le plus de poids. En ce cas, prenez bien garde que le poids ne soit faux. Vous trouverez des gens qui vous diront que le sentiment national, qui pendant tant de siècles a fait des Français un peuple puissant et influent, s'est affaibli, dissous, qu'il n'existe plus, que quoi qu'il y ait encore des Français, il n'y a plus de peuple français. Si l'on me disait cela, je répondrais que le mal dont on se plaint provient moins d'un changement qui se serait fait dans le caractère français, que de la fausse position dans laquelle tant de personnes en France se trouvent en ce moment placées. Les cœurs des hommes sont divisés parce qu'ils sont éloignés en divers sens d'un centre commun. Et vous auriez raison. Mais un autre viendra vous dire que la France régénérée dictera des lois à toute la terre, que son drapeau deviendra le drapeau de tous les peuples, son gouvernement leur gouvernement, et que leurs monarchies ébranlées tomberont en poussière en s'incorporant dans sa glorieuse république. À celui-là, je dirais qu'il me semble livré à un songe inquiet, et qu'il serait heureux pour lui qu'il se réveillât le plus tôt possible d'un sommeil si agité. Mais que concluriez-vous de semblables récits au sujet de la situation du pays ? Je croirais que, selon l'usage, la vérité se trouve entre les deux. Je croirais que la France n'est ni assez unie pour se montrer sous la forme d'un géant invincible, ni assez divisée pour devenir une masse d'atomes sans conviction ou une race de pygmées. Vous savez, continua-t-il, que la phrase à la mode pour décrire notre situation actuelle est de dire que nous sommes dans un état de transition, comme diraient des chrysalides destinées à devenir papillons. Pour moi, je pense au contraire que la transition est passée, et il en était bien temps. Il y aura bientôt un demi-siècle que la France n'a connu la tranquillité ou la paix intérieure, et quelque puissante qu'elle ait été ou qu'elle soit encore, elle ne pourra manquer de devenir la proie du premier qui voudra la dépouiller, à moins qu'elle ne s'arrête avant qu'il soit trop tard, et ne retrempe ses forces par un peu de repos. Mais comment obtenir ce repos ? Demandai-je. Les uns veulent celui-ci, les autres celui-là. Et d'autres encore n'en veulent pas du tout. Ce n'est pas dans une pareille situation qu'un pays peut espérer d'arriver au repos. Vous auriez raison si toutes les factions étaient égales en puissance, ou du moins assez également balancées pour pouvoir persévérer dans la lutte pour la suprématie. Notre seule espérance consiste à croire que cette égalité n'existe point, que celui qui s'est emparé du gouvernail le garde. S'il est pilote habile, il saura bien nous guider à travers les écueils. Et il n'est plus temps de demander comment il est arrivé à la place qu'il occupe. Remercions le ciel de ce que, grâce au hasard, il se trouve être de la même race que ceux auxquels, pendant tant de siècles, nous avons confié le salut de notre barque. Je crois que mon étonnement fut visible sur mon visage, car le vieux gentilhomme sourit en ajoutant « Vous fais-je peur avec mes principes révolutionnaires ?»« Je vous avoue que vous m'étonnez un peu, » répondis-je. Je pensais que, dans votre opinion, les droits d'un monarque légitime devaient être imprescriptibles. Quelle est la loi, madame, qui puisse gouverner la nécessité ? Je ne parle pas de mes propres sentiments, ni de ceux du petit nombre de personnes qui, comme moi, datent d'un autre siècle. De terribles convulsions ont agité la France, et menacent peut-être le reste de l'Europe. Pendant bien des années, je me suis tenu à l'écart, j'ai surveillé la tempête, et je me suis convaincu, à ma grande consolation, que les crimes et les passions des hommes ne peuvent changer la nature des choses. Ils peuvent produire de grands maux, ils peuvent troubler et entraver le cours paisible des événements, mais l'homme reste toujours ce qu'il était. Il cherche sa sûreté et son bonheur où il les a toujours trouvés, sous l'aile du pouvoir. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais certes, plus ce pouvoir est juste et légitime, plus on a lieu d'espérer que son influence sera tranquille et à l'abri de toute contestation. « La France n'a plus de choix, » dit-il en m'interrompant brusquement. « Je ne parle que comme spectateur. Ma carrière politique est terminée. J'ai plus d'une fois prêté serment de fidélité à la branche aînée de la maison de Bourbon, et bien certainement aucun motif ne pourrait m'engager à accepter une place d'un autre gouvernement ou à lui transférer mes serments. Mais pensez-vous que ce pût être le devoir d'un Français, qui a trois petits-fils nés en France, d'appeler la guerre civile dans le pays de ses pères, et d'oublier son pays pour ne se souvenir que de son roi. Je ne vous dis pas que si je pouvais, en me réveillant demain matin, trouver Henri V paisiblement assis sur le trône de ses pères, je ne m'en réjouirais pas, surtout si j'étais convaincu qu'il serait aussi capable que son cousin Philippe de tenir en respect les mauvais sujets de Paris. S'il suffisait de souhaiter, je souhaiterais à la France un gouvernement assez fort pour l'empêcher de se détruire à elle-même, et à la tête de ce gouvernement, un roi, qui tirerait ses droits à la couronne, non pas de la conquête, mais de la volonté de Dieu en légitime succession. Mais quand nous autres mortels nous formons un souhait, nous devons être trop heureux de n'obtenir la moitié, et à dire vrai, je crois que la première et la meilleure moitié du mien a été exaucée. Je reconnais dans le gouvernement du roi Louis-Philippe une force et une vigueur qui me donnent bon espoir de voir la France, sous sa protection, revenir de ses péchés, guérir de ses plaies et redevenir la gloire de ses enfants. » En parlant ainsi, M. de B se leva pour partir et, me tendant la main à la manière anglaise, il ajouta « Je crains que vous ne m'aimiez plus autant que vous le faisiez. Je ne suis plus à vos yeux un féal et preux chevalier. Peut-être même me regardez-vous comme un traître et un rebelle. N'est-il pas vrai ?» Je ne savais comment lui répondre. Il est certain qu'il avait perdu à mes yeux cette élévation poétique de caractère dont je l'avais auparavant investi. Et pourtant il y avait dans sa franchise un mélange de probité et d'honneur que je ne pouvais m'empêcher d'estimer. Je le remerciais de la sincérité avec laquelle il m'avait parlé. Mais j'avouais que je n'étais pas encore convaincu que la doctrine de l'utilité fût la règle la plus juste que les hommes dussent suivre. Comme elle n'était certainement pas la plus noble, j'aimais à croire qu'elle n'était pas la meilleure. « Il faut que je m'en aille, » dit-il en regardant à sa montre. « Voici l'heure de mon dîner. Sans quoi je pourrais disputer encore un peu avec vous sur ce que vous appelez utilité. Tout ce qu'il nous est réellement utile de faire, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux pour nous dans la position où nous sommes placés, est réellement juste. Adieu. Je me présenterai de nouveau sous peu, et je serai reconnaissant, si vous voulez bien m'admettre. » En parlant ainsi, il sortit, nous laissant tous un peu moins enchantés de lui que nous ne l'étions auparavant, mais certes nullement disposés à lui fermer notre porte.